Troisième chapitre, l'apprenti. Hansel arriva à Langstraten en même temps que le premier rayon de soleil. Plein de confiance dans l'intervention céleste, il se mit immédiatement à l'œuvre. Le même jour, sa maquette achevée, il se disposait à partir en quête d'un bloc de marbre digne de son sujet, lorsqu'un enfant d'une dizaine d'années frappa à sa porte. On voit dans les contes des princes plus beaux que le jour, dans les légendes des chérubins faits de lumière et de parfum. Aucune des créatures nées de l'extase des poètes et des fervents n'eût osé se comparer à cet enfant. Il s'avança timidement, roulant son bonnet entre ses doigts. Quand ses yeux rencontrèrent ceux du sculpteur, celui-ci en fut troublé. Sa voix était harmonieuse comme une musique céleste, et tout autour de lui l'air était embaumé. « Maître, dit l'enfant, je voudrais devenir sculpteur. Prenez-moi pour élève. As-tu travaillé déjà ? Je ne suis pas tout à fait un apprenti. L'enfant prit un morceau de marbre et, le pétrissant entre ses doigts mignons, comme s'il eût tenu de l'argile, fit en quelques minutes une statuette si belle, si parfaite, que le sculpteur en fut émerveillé. « Qui t'a appris à travailler ainsi ? » « Personne. » « De quels outils invisibles te sers-tu ? » « D'aucun. Les procédés que j'emploie sont des plus simples. Dans le pays d'où je viens, on n'en connaît pas d'autres. Où est ce pays ? Près ou loin, suivant la durée de la vie. Que vous importe ? Me voulez-vous prendre pour apprenti ? Tu serais plutôt mon maître. Et puis, j'ai à peine de quoi vivre. Ah, je ne suis pas difficile à nourrir, vous verrez, et je dors sur la pierre comme sur la plume. Ne t'en prends donc à toi des privations que tu auras à endurer. » L'artiste, en disant cela, sortit de la huche un pain noir, des oignons crus et un broc d'eau fraîche. Le soleil avait beau y mettre de la complaisance, se rouler sur la table, iriser les facettes du métal et du verre, rendre plus éblouissantes les blancheurs du linge, ce frugal repas avait bien piteuse mine. « N'avez-vous rien d'autre à boire ? » demanda l'enfant. « Tu te décourages vite. »« Non, mais pour ma bienvenue, je veux vous offrir mieux. » Et il tendit son verre au soleil. Hansel vit alors l'eau se dorer et le cristal étinceler comme si le rayon qui le traversait y fût devenu liquide. « Maître, goûtez ceci. » Le verre contenait un xérès excellent. « Ce matin, je vous eusse offert du vin de Hongrie, » continua le petit. « Mais le soleil promène ses rayons sur l'Espagne, et j'ai choisi la meilleure des vignes qu'il mûrit en ce moment. » Hansel était fort troublé. Ce petit être, si charmant qu'il fût, lui causait une impression indéfinissable. L'enfant s'en aperçut. « Rassurez-vous, maître, lui dit-il en souriant, vous pouvez me donner la main sans danger. Mes allures sont un peu bizarres, n'est-ce pas ? Je viens de si loin. Il faut être indulgent pour les étrangers. » La matinée fut employée à tout préparer pour le départ. Hansel n'eut pas voulu perdre une seconde. La vie de ses frères ne dépendait-elle pas de son ardeur au travail ? Il comptait se mettre en route dès l'aube prochaine. Une statue de la Vierge occupait dans l'atelier la place d'honneur. La mère du Sauveur, agenouillée, courbée par la douleur, tenait la couronne d'épines et pleurait en songeant aux tortures subies par son divin Fils. L'enfant resta rêveur devant cette image. « Sainte Mère, dit-il, tes souffrances ont été plus terribles que celles du martyr dont tu contemples la couronne. une pensée surhumaine le soutenait. Le but qu'il atteignait en mourant était trop grandiose pour que les tortures le pussent troubler. Sa pensée tout entière était aux cieux. En voyant râler sur la croix le fruit de tes entrailles, tu versas des larmes plus brûlantes que le fiel dont on baignait les plaies du crucifié. Qui ne s'attendrirait en songeant à tout ce que tu as souffert? L'enfant baisa les mains de marbre de la mère de Dieu. Plusieurs heures s'écoulèrent avant qu'il relevât la tête. Le sculpteur ému demeura pendant tout ce temps agenouillé. Son émotion était si vive qu'il crut voir la Vierge caresser la tête blonde du chérubin. Lorsque sa pensée, dégagée de toute entrave mystique, se reporta sur les choses de la terre, Hansel vit son élève assis auprès de la fenêtre. Le soleil se couchait. Un dernier rayon, le rayon d'adieu, caressait les cheveux de l'enfant et lui improvisait une auréole.